Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Travail à cœur, votre rendez-vous hebdomadaire en exclusivité sur Radio Cause Commune. Je suis Marie-Lyne Gomez et au programme du jour, nous allons parler du thème « Les DRH ont-ils perdu leur pouvoir dans l'entreprise ?» Marc Chenet, est-ce que le métier de DRH il est aussi touché par les risques psychosociaux comme la dépression par exemple ? Plus que beaucoup de métiers, bien sûr, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'engagement. Et puis en plus, il y a une relation très privilégiée avec les salariés en difficulté. Donc bien entendu, il y a parfois ce sentiment d'impuissance qui peut ressurgir assez fortement. Donc qui va à ce moment-là mixer plusieurs composantes, beaucoup de travail, surtout lorsque il y a peu de RRH, en tous les cas de responsables ressources humaines, pour une population assez importante. On a souvent tendance à dire 1%, c'est plutôt bien. Quand on voit des entreprises qui sont 1 pour 1000, vous vous rendez compte la quantité de travail qu'il y a à faire. Ce qui veut dire par ailleurs que le RRH, à ce moment-là, trouve peu de temps de décompression, voire de supervision, on en parlait, mais de trouver des personnes auprès de qui il va pouvoir un petit peu s'exprimer sur des rencontres qu'il a eues. Puis en même temps, ce sont des métiers humains, donc des métiers à très fort engagement. Et donc, on est dans des combinaisons qui sont parfois extrêmement difficiles à supporter, de donner beaucoup de sa personne, et puis à un moment donné, de se dire tout ça pour ça. D'être confronté à cette assez forte difficulté. Je pense qu'en plus, surtout lorsqu'on oppose la fonction RH avec la fonction financière, la fonction RH va trouver en tous les cas son métier comme étant souvent plus noble parce qu'il a cette dimension humaine. Contrairement à une fonction financière. Et donc cette opposition va perdurer et il faut réussir à un moment donné à rassembler les deux. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles perspectives qui s'ouvrent pour que la fonction financière arrête de prendre le dessus sur la fonction humaine, quoi. Et est-ce qu'on peut dire que le métier de DRH est-il incontournable ou pas dans les grandes décisions stratégiques d'une entreprise ? Aujourd'hui, dans tous les cas, moi j'en suis profondément convaincu, il va le devenir de plus en plus parce que ne serait-ce que les stratégies d'entreprise se doivent d'évoluer. Si on revient un petit peu à la base de l'économie actuelle, et avec un phénomène qui est extrêmement fort, qui est ce qu'on appelle la disruption, aujourd'hui toute entreprise ne peut pas garantir d'être encore existante sur des horizons de 3, 5 ou 10 ans. Donc elle se doit d'être en très très forte anticipation, donc elle se doit de pouvoir compter sur l'ensemble de son collectif pour pouvoir justement s'approprier l'ensemble de ses stratégies et imaginer qu'on va simplement dire tiens finalement on change d'orientation, prenons un métier très très simple, on passe du moteur thermique au moteur électrique, il y a des entreprises entières qui se doivent d'être refondées complètement. Toute l'industrie de l'automobile est dans une réflexion, toute l'industrie bancaire est en réflexion par rapport à l'émergence de nouvelles formes de banques. C'est pas en imaginant que les salariés vont pouvoir du jour au lendemain s'approprier la stratégie en disant tiens, chouette, on va changer, on va tout changer, que les choses vont bien se passer. Non, le RH va devenir une courroie de transmission fondamentale dans la compréhension finalement de la capacité. Et ce n'est pas à l'encontre des salariés que je dis ça, mais de la capacité du corps productif à pouvoir justement accompagner et trouver du sens dans cet accompagnement. Ce qui est fondamental, c'est qu'on recherche aujourd'hui, on parle beaucoup du management participatif. Management participatif, ça veut dire ce que ça veut dire, ce n'est pas top-down, c'est apportez-nous toute votre connaissance pour créer de l'intelligence collective, etc. Le management participatif, c'est j'écoute les salariés, quoi. J'écoute ce qu'ils disent et ils ont plein de bonnes idées. Il faut réussir à concentrer ça pour créer de nouveaux concepts, etc. Ça veut dire à un moment donné, le regard que l'on porte vis-à-vis des salariés, il devient essentiel. Et beaucoup de grandes entreprises qui ont émergé en très peu de temps, ces derniers temps, se sont basées sous ces formes-là.